Mimésis. Chapitre 13. Messe basse. Le panneau coulisse. Laisse apparaître une première silhouette, puis une seconde. Au total, trois hommes pénètrent dans la pièce. Cagoulés. Clairement pas des flics. Par réflexe, je sors mon arme et je les mets en joue. Eux me répondent de leur fusil automatique. Dans cette pièce sans âme, l'inspecteur livre enfin Bénédicte. Son supplice arrivera bientôt à son terme. Nous entrons. La voici qui rentre à son tour, suivie d'un autre homme. La voir en chair et en os, ça me fait comme une décharge dans le ventre. Elle est en tout point identique à sa projection. Merci d'être venu, inspecteur. Ça n'a pas été simple, nous en convenons. Toutefois, nous tenions à vous remercier chaleureusement pour votre collaboration. Maintenant, si vous le voulez bien, pourriez-vous jeter votre arme et libérer notre ami ? Ami ? Je reste un temps sans comprendre. Les Cerbères s'impatientent, agitent leurs fusils. Je m'exécute, pose mon revolver et déleste Bénédicte de ses menottes. Bénédicte, c'est à vous. Sitôt libre, ce putain de pédophile m'adresse un sourire vengeur. Il récupère la valise sur la table, entre un code qu'il valide à l'aide de son ADN, sous les regards pressants de ses commanditaires. Il n'a pourtant pas l'air inquiet. Est-ce qu'il bossait pour eux depuis le début ? Inspecteur, s'il vous plaît, pourriez-vous nous décrire le contenu de la mallette ? Pardon ? Je m'approche, prudent. Elle est vide. Vous en êtes sûr ? Je fais un pas de plus. Bénédicte s'écarte. Ses lèvres gonflées tremblent à nouveau. Saleté de barjo. De près, la valise me paraît toujours aussi vide. Je sonde le fond d'une main à la recherche d'un compartiment secret. Rien. Ça rime à quoi, leur petit jeu ? Bénédicte laisse échapper un petit rire nerveux. Il me dépasse et rejoint l'homme qui doit être son commanditaire et se cache derrière ses gardes. Je le vois lui parler, mais je n'entends rien de ce qu'ils se disent. L'autre acquiesce en silence, satisfait. D'un geste, il demande à ses sbires de baisser leurs armes. Je souffle. Allons, allons, inspecteur. Votre calvaire ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Comme je vous l'ai toujours dit, nous n'avions aucunement l'intention de vous faire du mal. Les informations que vient de nous livrer Bénédicte nous suffisent amplement. Merci pour votre aide. Visiblement, VRCorp ne se doute de rien. Une détonation. Sourde. Je me suis jeté sous la table par réflexe. Quand je relève la tête, c'est l'horreur à tous les étages. Les murs sont couverts de sang. Bénédicte gît à quelques mètres de moi, littéralement décapité. Sur les visages, la panique la plus totale. Les gardes me braquent, me pensent responsable. Ils vont pour tirer, mais lâche d'un coup leur fusil en hurlant de douleur. Inspecteur, fuyez. Je suis en mesure de mon intégrité. Son image se brouille de glitch saccadé, avant de disparaître tout à fait. J'entends à peine sa voix, couverte par trois détonations en chaîne. Les gardes s'effondrent comme des pantins désarticulés. Dans le regard de leur chef, c'est encore l'incompréhension qui domine, puis l'effroi. À son tour, sa tête explose. Bordel ! On va tous y passer ! Je me jette contre le panneau métallique, essaye de le faire coulisser. Mes intras commencent à chauffer, putain ! Vous devriez... Plus bas. Vite. Le panneau finit par céder. De l'autre côté, la coursive est plongée dans le noir. Dans mes lentilles, des flashs lumineux puis des parasites de toutes les couleurs qui envahissent peu à peu mon champ de vision. J'y vois plus rien. Je fonce à travers le couloir, longe la paroi et s'égaine, me cogne la tête contre un morceau de métal et chute à cause du choc. Je passe une main dans mes cheveux. Je crois bien que je saigne. Je me relève à tâtons. J'ai le vertige. et ses oreilles qui me brûlent de plus en plus. Je sens qu'on m'efface. Je dois m'enfuir. Je suis perdu. S'il te plaît. Ariane, retrouve-moi. Trouve-moi. Je t'en prie. Me laisse pas.